Bienvenue dans l'épisode 2 de J'ai testé pour vous, grandir dans une famille où parler de cul est tabou. J'ai grandi dans une famille où parler de cul est tabou. Je n'ai eu aucune éducation sexuelle, mis à part les quelques cours d'SVT très restreints. Ça m'a valu un défilé de complexes et beaucoup d'incompréhension de ne pas pouvoir en parler. Je pense que nous sommes beaucoup dans ce cas-là et j'espère pouvoir en aider quelques-uns en apportant un témoignage et en mettant des mots là-dessus. Bonne écoute! Avec sa famille, ça peut être mal vu ou juste inhabituel de parler de sexe. Donc c'est important d'en parler avec ses amis, autres que sa famille, dédramatiser et se rendre compte qu'on est normal et surtout en rigoler. Quitte à faire des blagues beaufs, on vous en voudra pas. C'est bien beau de rigoler avec ses potes face à votre copain ou votre copine, c'est une autre histoire, ça devient concret et c'est pas pareil. Avec votre copain ou votre copine, il faut en parler beaucoup. Expliquer ce que vous attendez de votre moitié, ce dont vous avez envie. J'ai envie de te malaxer les nichons. Si vous avez du mal à en parler en face sans être gêné, parlez par SMS ou bien faites une sorte de menu sexuel. Exprimez vos envies sous forme de liste chacun de votre côté et échangez après. Ça peut être un bon moyen pour communiquer. Ce que vous aimez, ce que vous détestez et ce que vous voudriez essayer. Ces trois catégories qui sont importantes. Vous n'avez pas à vous censurer si la personne en face est bienveillante. Si ce sont des complexes physiques ou que vous n'avez pas l'habitude de vous montrer nu par exemple, ça passera avec l'aide du regard de votre moitié qui vous rassurera. Elle vous fera comprendre qu'il ne faut pas vous cacher parce que, n'ayons pas peur de mots, vous êtes magnifique. Personne ne correspond parfaitement à cette norme, ce standard de beauté imaginaire puisqu'on est tous différents, donc nos complexes. Pour ce qui est de la contraception, pour une fois, les cours d'SVT font ça plutôt bien. Ça reste pragmatique, mais l'essentiel est là. Si vous avez besoin de conseils personnels pour savoir quelle contraception vous conviendrait le mieux, demandez sans hésiter à votre médecin ou votre gynécologue. Pilule combinée ou progestative, DU, stérilet, implant, patch, on a que l'embarras du choix. Il faut souvent essayer plusieurs choses avant de trouver une contraception qui nous correspond. C'est la fin de ce podcast, merci de l'avoir écouté et si vous voulez m'aider à grandir, vous pouvez vous abonner, laisser des commentaires et 5 étoiles sur iTunes.